Jeanne, dans sa chambre, se laissa déshabiller par Rosalie, la bonne, sa sœur de lait. Quand elle fut en toilette de nuit, elle se glissa dans son lit et attendit. Elle attendit, anxieuse, le cœur crispé, ce je ne sais quoi deviné et annoncé en termes confus par son père, cette révélation mystérieuse de ce qui est le grand secret de l'amour. Et tout à coup, en caleçon, en chaussette, Julien traversa vivement la chambre pour aller déposer sa montre sur la cheminée. Puis il retourna, en courant, dans la petite pièce voisine, remua quelque temps encore, et Jeanne se retourna rapidement de l'autre côté, en fermant les yeux, quand elle sentit qu'il arrivait. Elle fit un soubresaut, comme pour se jeter à terre, lorsque glissa vivement contre sa jambe une autre jambe, froide et velue. Et, la figure dans ses mains, éperdue, prête à crier de peur et d'effarement, elle se blottit tout au fond du lit. Aussitôt, il la prit dans ses bras, bien qu'elle lui tournât le dos, et il baisait voracement son cou, les dentelles flottant de sa coiffure de nuit et le col brodé de sa chemise. Elle ne remuait pas, raidie dans une horrible anxiété, sentant une main forte qui cherchait sa poitrine, cachée entre ses coudes. Elle haletait, bouleversée sous cet attouchement brutal, et elle avait surtout envie de se sauver, de courir par la maison, de s'enfermer quelque part, loin de cet homme. Il ne bougeait plus. Elle recevait sa chaleur dans son dos. Alors, son effroi s'apaisa encore, et elle pensa brusquement qu'elle n'aurait qu'à se retourner pour l'embrasser. Alors, il finit par s'impatienter, et d'une voix attristée, « Vous ne voulez donc point être ma petite femme ?» Elle murmura à travers ses doigts, « Est-ce que je ne la suis pas ?» Il répondit, avec une nuance de mauvaise humeur, « Mais non, ma chère, voyons, ne vous moquez pas de moi !» Et elle se sentit toute remuée par le ton mécontent de sa voix, et elle se tourna tout à coup vers lui pour lui demander pardon.